Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qui sont les crétins des Alpes? Le 17 septembre 1839, Victor Hugo se trouve à Berne, en Suisse. Il assiste à un spectacle qu'il dit ne pouvoir oublier de sa vie. Dans une infractuosité du rocher, assis, les jambes pendantes sur une grosse pierre, un idiot, un goitreux, à corps frêle et à face énorme, riait d'un rire stupide, le visage en plein soleil, et regardait au hasard devant lui, haut, abîme, les Alpes étaient le spectacle, le spectateur était un crétin. Hugo utilise ce mot crétin pour désigner un être malade, comme les gens malpolis aujourd'hui désignent des gens sous forme d'insulte. Mais le crétin, au sens religieux, est un chrétien, au sens étymologique aussi. On disait chrétien pour désigner le malheureux, l'innocent, le benêt, et ce chrétien est devenu peu à peu le chrétien. Allez, partons à sa rencontre. Antoine Debecq, bonjour. Bonjour. Allez, nous sommes à la montagne. Dites-nous, comment reconnaît-on un crétin des Alpes? Alors aujourd'hui, on le reconnaît plus. Parce qu'il n'y a plus de crétins dans les Alpes. On en a évidemment beaucoup de descriptions, hein, comme celle de Victor Hugo. Voilà, les récits de voyage ont multiplié, en fait, ce qui est devenu une sorte de motif, de topoï comme ça du récit de voyage, les Alpes sublimes, et puis la tache au milieu du tableau, le crétin, le monstre dans la grandeur, la majesté de la nature. Et ce contraste a vraiment frappé les gens à partir de la fin du XVIIIe siècle, où effectivement il y avait un certain nombre de crétins. On estime que il y avait à peu près 20 000 crétins dans les Alpes françaises. Entre le début du 19e siècle et le début du 20e siècle, il y avait toujours à peu près 20 000 crétins. Ça n'a pas beaucoup évolué comme chiffre. Alors comment on reconnaît un crétin? C'est une dégénérescence physique et une arriération mentale gravissime, hein. Ce sont d'abord des êtres tout petits. En général, ils ne dépassent pas les 1 mètre. Ils portent le masque de l'arriération, avec un visage idiot, des rides extrêmement ridées, une face un peu cireuse, et puis ils ont souvent un goitre qui peut être énorme, hein. Donc voilà, c'est vraiment un portrait physique qui est celui de ce que Victor Hugo appelle le monstre, et qui va bien sûr être aussi, puisque c'est une pathologie lourde, va être un grand problème des médecins, de la médecine du 19e siècle. Antoine Debecq, justement, à quel moment découvre-t-on ces crétins des Alpes, au sens où ils existent depuis très longtemps, bien sûr, mais à quel moment l'attention se porte sur eux? Alors ils existent depuis, on en a des premières descriptions depuis l'an 1000 à peu près, hein. C'est des choses qui sont ils apparaissent dans les dictionnaires, les encyclopédies médicales, les encyclopédies sur les Alpes. Mais la vraie prise de conscience, elle est liée à un double phénomène. Elle est liée à la fois à ces récits de voyage. C'est vraiment le récit de voyage à travers les Alpes devient un genre en soi de la littérature à partir de la fin du XVIIIe siècle, hein. Les premiers grands récits comme ceux de Saussure, par exemple, hein, Voyage à travers les Alpes en 4 volumes, consacrent un chapitre entier aux crétins. Et l'autre phénomène de prise de conscience, c'est un phénomène donc des médecins, hein. C'est quelque chose qui va occuper à partir du début du 19e siècle, la santé publique française et également suisse, hein, puisque on trouve des crétins dans le Valais, on trouve des crétins dans tous les pays des Alpes, hein, en Autriche, en Allemagne, en Italie, et donc ça devient, il y a une prise de conscience qui s'opère à travers un certain nombre de grands traités sur le crétinisme. Le principal, le premier, il date des années 1810, hein, c'est Fodéré, c'est un grand médecin qui est plutôt basé d'abord à Marseille, ensuite à Grenoble, et qui va... écrire ce grand traité du crétinisme qui, les premiers traités sont essentiellement des étiologies, en fait. Qu'est-ce que le crétinisme? Comment est-ce que ça s'explique? Comment on peut essayer d'apporter des premières solutions à ce qui paraît comme une véritable tâche sur l'idéal alpin? Puisque il y a, voilà, les médecins au même moment sont en train de clamer la grandeur des Alpes, la nécessité du plein air, voilà, d'aller se régénérer. On est à un moment de basculement dans l'imagerie des Alpes, dans la représentation des Alpes. On passe des Alpes hostiles, pleines de monstres, à cette image des Alpes à la fois comme terrain de jeu de l'Europe, hein, qu'on va commencer à conquérir. On vient de gravir le Mont Blanc en 1786 quand même, et d'autre part comme une sorte de grand réservoir d'hygiène, hein, comme ça, et le crétin apparaît comme une aberration, en fait. Eh bien, justement, c'est ce qui vous intéresse, Antoine de Beck. Vous êtes historien, professeur à l'École normale supérieure. Et au XVIIIe siècle, dans ces Alpes magnifiées, il y a le crétin, tout comme dans votre bibliographie, au travers donc la traversée des Alpes, essai d'histoire marché chez Gallimard, ou encore les Godillots manifestent pour une histoire marché chez Anna Mossa. Eh bien, paf, il y a l'histoire des crétins des Alpes à la librairie Vuibert. Et justement, au XVIIIe siècle, cet intérêt, vous nous l'avez dit, pour les crétins, se retrouve dans les encyclopédies. Ben, lisons celle de D'Alembert. Crétin. On donne ce nom à une espèce d'homme qui naissent dans le Valais en assez grande quantité, et surtout à Sion, leur capitale. Ils sont sourds, muets, imbéciles, presque insensibles au cou et portent des goîtres pendant jusqu'à la ceinture. Assez bonnes gens, d'ailleurs, ils sont incapables d'idées et n'ont qu'une sorte d'attrait assez violent pour leurs besoins. Ils s'abandonnent au plaisir des sens de toute espèce et leur imbécilité les empêche d'y voir aucun crime. La simplicité des peuples du Valais leur fait regarder les crétins comme les anges tutélaires des familles, et ceux qui n'en ont pas se croient assez mal avec le ciel. Il est difficile d'expliquer la cause et l'effet du crétinage. La malpropreté, l'éducation, la chaleur excessive de ces vallées, les eaux, les goîtres même sont communs à tous les enfants de ces peuples. Daniel Königsberg qui lisait la définition du mot crétin dans l'encyclopédie de D'Alembert en 1751. Antoine de Beck, il y a dans cet extrait énormément, on pourrait faire l'émission entière autour de cet extrait, parce qu'il y a tout. Il y a une recherche de ce qu'est le crétin, déjà par la définition. C'est vrai que nous utilisons ce mot goitre pour les plus jeunes aujourd'hui, c'est cette glande énorme au niveau du cou. Faut le dire parce que l'on n'en voit plus. C'est quelque non, chose on voit quelques goitres parce que c'est en fait c'est une maladie qui une déformation qui vient d'un dérèglement de la thyroïde. Donc c'est quelque chose qui peut exister encore, mais pas au niveau du crétinisme évidemment. Et puis dans cette recherche des causes du crétinisme, D'Alembert en fait dresse une liste. C'est un peu la réflexion de tous ceux qui s'intéressent au crétinisme au XVIIIe siècle, sans vraiment savoir où aller. Qu'est-ce qui peut provoquer dans les montagnes ce crétinisme? C'est vraiment une grande interrogation chez les médecins de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe. Et il faut dire que cette interrogation n'est pas résolue avant le début du XXe siècle. C'est-à-dire que on apporte un certain nombre d'hypothèses. En fait, c'est vraiment une recherche étiologique qui va multiplier les causes possibles du crétinisme, qui peuvent bien sûr se croiser. La thèse principale de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle est une thèse climatique, en fait. Voilà, le crétinisme est provoqué par la stagnation dans ces vallées qui alternent les températures très froides et très chaudes, la stagnation de masses d'air humide en fond de vallée. Et pour beaucoup de ces médecins, comme Federer par exemple, voilà, la principale cause est le crétinisme, auquel ils ajoutent un certain nombre de causes, je dirais, secondaires, qui peuvent être la mauvaise qualité des eaux, hein, l'eau de fonte de neige, de fonte de glacier, une hygiène douteuse dans ces pays reculés, voire une consanguinité, hein, la thèse de l'hérédité, je dirais, d'une sorte de voilà de malédiction presque raciste, hein, racial sur le crétinisme, que le crétinisme serait la dégénérescence de l'être alpin. Hein, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment au début du 19e siècle de manière assez développée, avec des comparaisons par exemple entre guillemets avec le nègre. Hein, c'est quelque chose qu'on trouve dans un certain nombre de traités raciaux, racistes, de lecture de cette dégénérescence. Et puis, il y a la cause, je dirais, géologique, hein, c'est-à-dire la nature des sols alpins, qui sont par ailleurs aussi lessivés par l'érosion. Et bien sûr, c'est en fait cette cause, la dernière cause, c'est-à-dire la cause géologique, hein, qui est la bonne cause. Mais pendant presque un siècle, cette bonne cause ne sera pas distinguée véritablement des autres. Hein. Donc il y a une recherche qui se poursuit, qui se multiplie, et plus en fait, c'est une sorte d'effet pervers de la recherche scientifique, hein, plus on multiplie les thèses, les causes possibles du crétinisme, moins on voit la cause réel, entre guillemets. Bien sûr qu'il y avait un problème d'hygiène dans les Alpes, bien sûr qu'il y a des problèmes de climat dans les Alpes, mais ce n'est pas ça la cause réelle. La cause réelle, c'est tout simplement un manque d'iode, en fait. Donc c'est une des causes qui apparaît très vite. Hein. Dès les années 1820, il y a des expériences d'un médecin genevois, Jean-François Coindet, sur l'iode, qui fait prendre de l'iode, qui ajoute de l'iode dans un traitement pour et qui arrive à certains résultats. Le sol alpin est lessivé de son iode, et donc le manque d'iode provoque un dérèglement qui peut être donc gravissime de la glande thyroïde. Et c'est ça qui est exactement la cause du crétinisme, c'est-à-dire que ce dérèglement de la glande thyroïde va provoquer chez un certain nombre d'individus très tôt, hein, généralement 2, 3, 4 ans, l'apparition de ce qu'on appelle un myxodème à la base du crâne, derrière le crâne, qui est un petit os qui bloque le développement et qui va être la cause du crétinisme. C'est quelque chose qu'on connaît depuis le milieu du 19e siècle grâce aux expériences du grand anatomiste européen, Virchow, Rudolf Virchow, en Allemagne, en Bavière, qui s'est passionné pour cette histoire du crétinisme, qui a fait venir des cadavres de jeunes crétins morts, puisque l'espérance de vie d'un crétin ne dépasse généralement pas les 20 ans, et qui va pratiquer des autopsies, et qui va découvrir dans un texte une description comme ça anatomique de ce myxodème du crétinisme. C'est un texte qui parcourt l'Europe entière, hein, mais les expériences à partir des opérations de Virchow, des descriptions de Virchow, c'est-à-dire voilà comment empêcher l'apparition de ce myxodème, qui donc sont liés, il le dit très clairement, au manque d'iode, ne vont pas être absolument concluantes. C'est-à-dire que si on donne de l'iode à un être humain, si on dose mal l'iode, ça provoque des problèmes très importants au niveau de l'estomac, des nausées. Et donc, pendant longtemps, beaucoup de médecins vont être assez rétifs, en fait, à ce médicament possible qu'est l'iode. Donc, et c'est une sorte de malédiction seconde, en fait, qui pèse sur les crétins. C'est-à-dire que non seulement ils sont dans l'état où ils sont, et il y en a quand même, 20 000 dans les Alpes françaises, et d'autre part, les médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord, hein, pendant plus d'un siècle sur une manière d'éradiquer le crétinisme. Au 19e siècle, et c'est passionnant ce que vous racontez Antoine de Bec, de se dire que dès les années 1820, il y avait déjà la bonne piste, mais que les médecins hésitent entre l'endogamie, l'hygiène. Et puis le 19e siècle est celui de la prise en compte des fous, Michel Foucault. Le mot qui me paraît le plus perfide, c'est pas le mot fou. Oui, bien sûr. Vous avez l'usage courant, c'est un fou, c'est fou, etc., qui permet de disqualifier. Oui, parce que la folie, c'est déjà autre chose. Oui, mais si vous voulez, le mot est justement tellement galvaudé maintenant qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir en lui. Le mot que je redoute, moi, c'est malade mental. C'est-à-dire à partir du moment où ce personnage indécis dont on riait, qu'on excluait, qu'on disqualifiait, mais à la limite, si vous voulez, qu'on acceptait, qui faisait partie du plasma social, à partir du moment où cet individu a reçu un statut précis, il est devenu le malade. Et en tant que malade, il doit être respecté, mais en tant que malade, il doit aussi tomber sous un pouvoir qui est le pouvoir canonique et institutionnel du médecin. Et c'est là, c'est si vous voulez, le passage du fou au malade, qui est apparemment une requalification, mais qui, à un autre niveau, est une prise de pouvoir. C'est cela qui m'a intéressé. En 1975, le philosophe Michel Foucault était l'invité de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie. Oui, Michel Foucault explique, elle a étudié clairement, il y a la volonté de prendre en charge les fous, de les isoler. Antoine de Bec, qu'en est-il pour les crétins des Alpes? Vous avez écrit cette histoire des crétins des Alpes, et c'est intéressant de s'insérer même dans la réflexion de Foucault. Absolument, on peut tout à fait partir de Foucault, parce que le phénomène que Foucault décrit, ce passage du fou au malade mental, ou du fou à l'anormal en fait, il existe pour le crétinisme. Alors Foucault n'a pas travaillé précisément sur les crétins, les crétins intéressaient moins Foucault parce qu'ils sont totalement passifs en fait, ce ne sont pas des... Il n'y a pas cette dimension, je dirais, subversive dans l'anormalité de Foucault par rapport, je ne sais pas, aux onanistes, par rapport aux pervers, par rapport aux grands criminels, par exemple aussi, qu'a étudié Foucault. Mais cette population de crétins, elle est une véritable provocation pour les médecins et elle est aussi une provocation pour les pouvoirs publics, notamment à partir de 1860, quand la Savoie, qui est une sorte de plus grand réservoir de crétins en France, la Savoie devient française. Donc en avril 60, quand Napoléon III obtient la Savoie et va faire un grand voyage en Savoie pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Français, on lui parle bien sûr de ce problème, il visite un certain nombre de lieux, justement, qui sont des lieux qui vont recevoir les crétins, comme à Bassins, près de Chambéry, un grand asile des crétins. Et donc c'est quelque chose qui devient insupportable. Non, Napoléon III n'est pas là pour faire rentrer 20 000 crétins dans le Nouvel Empire. C'est pas... Donc ça devient véritablement un problème de santé publique. Et à partir de ce moment-là, les initiatives vont se multiplier, vont diviser d'ailleurs le corps médical. Que faut-il faire des crétins? Est-ce qu'il faut les laisser vivre leur vie décrite généralement comme bienheureuse, comme des innocents, comme des chrétiens, comme des idiots au sens religieux du terme. Voilà, ceux qui parlent directement à Dieu, qui s'adressent aux étoiles, qui n'ont pas conscience de la civilisation et qui vivent finalement au soleil la partie du temps à l'entrée des villages comme une sorte de folklore comme ça. Voilà, est-ce qu'on les laisse comme ça ou est-ce qu'on les enferme dans des asiles pour les guérir, puisque à ce moment-là, les thèses sur l'étiologie du crétinisme font que on les considère plutôt comme des arriérés, c'est-à-dire comme des êtres qui peuvent être guérissables, qui peuvent être éduqués. Et donc toute une partie des médecins vont créer des hospices pour aller chercher les crétins et les enfermer dans les asiles pour essayer de les guérir. Alors, c'est au nom de l'humanité, hein. Voilà, c'est ce que Foucault décrit, hein. C'est à la fois une prise de pouvoir sur les crétins par le corps médical et aussi une forme de généreuse éducation dispensée à tous les êtres humains, y compris les plus faibles, les plus arriérés. Et donc, on va voir se développer un certain nombre d'asiles. Alors, les deux plus fameux, je dirais, seront à la fois un asile qui est totalement dédié au crétinisme, aux jeunes crétins. C'est en Suisse, au-dessus d'Interlaken. C'est Johann Jakob Guggenbühl, qui est un jeune médecin qui se prend vraiment d'intérêt pour cette cause. Et à Abenberg, il conçoit très bel hospice en plein milieu des Alpes, qui reçoit comme ça une cinquantaine de jeunes crétins pour les éduquer, pour leur faire aussi prendre conscience de l'hygiène. Et il organise toute une série de soins possibles avec des bains glacés, avec il y a même des traitements électriques, aussi des choses pour éveiller leur sens avec un gong. Voilà, toute une série de beaucoup d'inventivité, hein, finalement, chez ces éducateurs, qu'on pourrait appeler comme ça. Et puis, l'autre endroit important et connu, c'est à la Salpêtrière, hein, là où on enferme les folles et les hystériques, c'est un des grands aliénistes français, hein, Jean-Pierre Falleret, qui décide en 1835 d'avoir parmi son service, il dirige le service des idiotes, hein, il a une centaine d'idiotes sous sa direction dans les loges des folles, c'est un lieu devenu célèbre par le journalisme, la littérature. Il décide de en quelque sorte d'importer une dizaine de crétines qui va chercher dans les Alpes. C'est son fils qui mène une mission entouré par des gendarmes et qui ramène des Alpes 8 crétines qu'il va intégrer dans le service des idiotes. Falleret a une haute conception de son métier, hein. C'est un aliéniste extrêmement célèbre en France et en Europe, et il a développé une théorie, une pratique de la médecine autour de je dirais ce qui est le plus fameux, c'est la chorale des idiotes, c'est-à-dire faire chanter ces femmes, ces jeunes femmes, et donc qui accompagne toute une série de traitements là aussi souvent assez rudes, hein, à l'eau glacée. Ce sont des choses qui sont, mais il y a cette idée d'éveiller en quelque sorte la sensibilité des idiotes, et ce sont des traitements qui sont sûrement assez performants, mais évidemment le problème c'est que sur les crétines c'est une pathologie, ce n'est pas une arriération mentale, donc ça n'a aucun effet, et les 8 crétines disparaissent assez vite. On a la trace d'une qui s'appelle Joséphine, parce qu'on a son autopsie, on a dans les archives de la Salpêtrière, on peut d'une certaine manière individualiser un petit peu cette crétine qui vient de la vallée de la Guisane. C'est une histoire à la fois pathétique et très émouvante, en fait, de cette crétine ramenée comme ça par les gendarmes et les médecins pour subir toute une série de traitements qui n'ont aucun effet, évidemment, sur elle. Il faut attendre l'arrivée de l'iode, le sel iodé. Les glandes endocrines, la thyroïde. Conférence du docteur Alfredo Vanotti, professeur à l'université de Lausanne. Lectrice Bergamote Jouffroy. Des traces d'iode se trouvent dans les légumes ainsi que dans la viande. Le sel de cuisine en contient des doses plus fortes. Le grand réservoir d'iode de la nature est la mer. Dans les montagnes éloignées de la mer, les aliments sont souvent pauvres en iode. Nous avons donc pu observer en Suisse un manque considérable d'iode, surtout parmi les populations qui étaient isolées pendant des générations dans des vallées alpestres. Ce n'est pas par hasard que les premières études concernant le goitre se sont développées considérablement en Suisse à la fin du siècle dernier. Depuis l'introduction bénéfique du sel iodé en Suisse, les cas d'insuffisance thyroïdienne tels que le crétinisme et le goitre endémique ont diminué fortement et ont même disparu complètement dans certaines régions. Conférence donnée en 1950. 9 sur l'iode et notamment le sel iodé. Antoine Debecq, à quel moment la prise de conscience ou simplement cette idée qui existait, vous nous l'avez dit déjà dans les années 1820 que l'iode pouvait résoudre les problèmes, à quel moment cela est-il réellement appliqué ? Alors c'est appliqué donc tout au long du 19e siècle comme de manière expérimentale avec des résultats donc très inégaux qui font que précisément cette solution et voilà les médecins hésitent beaucoup et puis c'est vrai que il y a une sorte de recrudescence du crétinisme qui devient non pas seulement un problème de santé publique, mais une véritable énigme scientifique. Comment, alors que des médecins extrêmement compétents multiplient les rapports, et un grand rapport de Jules Baillarger, qui est l'autorité médicale chez les aliénistes du Second Empire, comme ça, une sorte de grand rapport national qui dans les années au début, à la fin, qui traverse tout le Second Empire et qui est publié en 1873. Comment est-ce que malgré toutes ces compétences, voilà, le crétinisme demeure et ne cesse pas, il reste à peu près constant tout au long de ces années. Eh bien, voilà, ça amène des médecins suisses, effectivement. Hein, c'est une commission suisse qui va en 1922 dans le Valais. Promouvoir une expérience assez massive hein, sur tout le massif du Valais d'adjonction de diode. Alors tout est dans le dosage hein, bien sûr. C'est une solution extrêmement simple en fait. Hein. C'est on rajoute de l'iode marin dans le sel. Qui sert quotidiennement à table et cela va avoir des effets incroyables, c'est-à-dire que en quelques mois, en quelques années, le crétinisme va baisser puis ensuite être éradiqué. Et donc tous les pays à ce moment-là vont pratiquer évidemment tous les pays alpins vont pratiquer cette méthode qui par sa simplicité et par son efficience, va s'imposer extrêmement vite et va éradiquer le crétinisme des Alpes en quelques années. C'est-à-dire que effectivement, c'est un phénomène irréversible. Donc les crétins qui existent en 1922 vont rester crétins, mais toutes les générations à venir vont être prémunies hein, par cette adjonction d'iode du crétinisme. Donc voilà la résolution qui prend plus d'un siècle en fait de ce grand problème de santé publique, mais bon, ce qui m'a intéressé évidemment dans cette histoire, hein, c'est que c'est, disons, à partir de la fin du 19e siècle et dans ces années précisément 20 et 30, que le mot même crétin va se généraliser en fait dans les insultes, dans l'imaginaire aussi des écrivains. Au moment où le crétinisme disparaît réellement des Alpes, est éradiqué des Alpes, le crétin prolifère en fait dans l'imaginaire public, notamment en France. Oui, une histoire culturelle, une histoire des représentations, Antoine Debecq. Et justement, les crétins ou les crétines de la Salpêtrière chantaient en chorale, je ne sais pas ce qu'elles chantaient, mais en tout cas, grâce aux Suisses, dès les années 1920, le crétinisme disparaît, il est guéri, alors hommage aux Suisses. Wir kommen von den Bergen, wir kommen vom Alpenland. All ihr Metanjobler und Smadl bei der Hand. Wir steigen hoch hinauf zu Firn und Eis, mit dem Rucksack auf und auf und Buckel am Bürger das Edelweiß. Wir kommen von der Bergen, nous venons de la montagne, chanté par Eric Endlinger, c'est du yodel, oui, demandé par Milena Hellig, qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérics. Milena écoute du yodel à longueur de journée, et la préparation de l'émission a été un véritable plaisir. Antoine Debecq, nous avons ici, avec ce sujet qui vous a intéressé, hein, cette histoire des crétins des Alpes, publiée à la librairie Vubert, un phénomène intéressant de représentation, parce que l'intérêt porté par les médecins sur les crétins des Alpes va de pair avec un nouveau regard porté sur les Alpes et plus globalement sur les montagnes. Oui, c'est sûr que la connaissance du crétinisme est passée par la littérature, par exemple, hein, par une forme de représentation, d'écriture et de représentation. Ces récits de voyage, très nombreux, fin 18e, début 19e, voilà, auxquels tous les grands écrivains du 19e siècle, là, vous avez cité Hugo en début de l'émission, mais bon, tous, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Balzac, ils vont tous se confronter en quelque sorte à ce récit du sublime, hein, qui est le paysage alpin. Et donc à chaque fois, ils croisent ce monstre crétin. Alors ils vont en faire un usage qui est très intéressant, qui m'a intéressé, oui, dans la deuxième partie du livre, c'est-à-dire, je dirais, une forme d'imaginaire de l'Alpe, à la science de l'Alpe, si vous voulez, succède un imaginaire de l'Alpe, ou est parallèle. Et bon, le premier grand récit du crétinisme, c'est ce magnifique roman de Balzac en 1833, hein, Le médecin de campagne, qui se trouve confronté au-dessus de Grenoble, à Vorep, en Chartreuse, à une communauté de crétins. Et dans sa volonté de moderniser en fait les Alpes, hein, de faire entrer dans ces endroits reculés le progrès, la science, il va se trouver devoir organiser en quelque sorte ce qu'il appelle très précisément la déportation des crétins, qui vont être réunis, enfermés, déplacés et emprisonné en quelque sorte à l'asile de Bassins près du lac d'Aigbelette. Le médecin fait ça en toute bonne conscience, évidemment, hein. Seul un crétin, je dirais, résiste, et le médecin le laisse là, puisque voilà, il semble tellement attaché à son lieu, et puis il est protégé aussi par la communauté. C'est ça qui est intéressant. Balzac raconte comment la communauté, la paroisse, la communauté chrétienne protège son crétin, ne veut pas qu'on lui enlève ce qui est une sorte de porte-bonheur, ce qui est une sorte de symbole de l'innocence, du rapport à Dieu direct comme cela. Et la communauté paroissiale autour du curé qui fait un prêche pour défendre le crétin, voilà, va jeter des pierres sur les médecins qui viennent et les gendarmes qui viennent arrêter les crétins, les enfermer. Donc c'est un récit absolument saisissant, hein, de à la fois une sorte d'état du crétinisme dans les années 1830, et puis aussi des réactions diverses qui peuvent être celles d'une communauté, du médecin, autour de la notion de progrès en fait. Et donc le crétin va devenir le symbole, le double symbole de cela dans tous ces récits, je dirais jusqu'aux années 1950, hein, le symbole à la fois d'une forme de monstruosité à éradiquer, et le symbole aussi d'une résistance, hein, d'une résistance alpine, une sorte de fierté crétine qui permet, on le trouve très tôt dans les textes de Rodolphe Topfer, hein, par exemple, la montagne en zigzag, ce sont des très beaux textes sur la montagne suisse. On le trouve très tôt aussi chez Flaubert, par exemple, cet éloge de l'idiot, de l'idiotie, comme ce qui résiste au progrès, ce qui permet à l'Alpe, notamment, de se, je dirais, de de résister à cette modernisation qu'est le tourisme. Ça, c'est quelque chose de très important chez Topfer dès le milieu du 19e siècle. Il ne faut pas oublier qu'il y a une mise en tourisme de l'Alpe qui est non pas massive, évidemment, comme on la connaît un siècle plus tard, mais qui est effective. Et dans les grandes stations, les premières grandes stations alpines, voilà, il y a toute une série de personnes qui vont... à travers le personnage du crétin, c'est une sorte d'éloge de la lenteur, d'éloge de l'innocence, d'éloge de l'authenticité aussi. On trouve tous ces textes comme ça pour se réclamer d'une forme de fierté crétine qui, bon, c'est une très belle scène, par exemple, chez Alphonse Daudet, Tarascon sur les Alpes. Voilà, Tarascon, le représentant, si on veut, de cette nouvelle classe bourgeoise qui va faire du tourisme dans les Alpes, sur le mont Rigli, où il existe déjà un funiculaire dans les années 1860-80, se retrouve face à une crétine qui lui rit au visage. Et donc c'est à la fois une sorte de voilà de description magnifique dans le texte de Daudet du monstre, hein, le monstre rieur, l'homme qui rit, la femme qui rit comme ça, déformé par son visage déformé par le rire, et en même temps elle rit non seulement parce qu'elle est malade, mais elle rit parce que Tarascon est habillé de façon totalement grotesque en touriste, avec des piolets, avec voilà, il a pris comme les Dupont chez Tintin l'habit folklorique des Alpes. Et donc face à cela, voilà, le crétin envoie une sorte de grand rire de farce anti-moderne pour se moquer de la vitesse, de progrès, du tourisme qui est en train de transformer les Alpes. Oui, cette fierté crétine qui est liée au village, on est fier de son crétin, peut être mis dans un contexte beaucoup plus large, celui de l'industrialisation de la société. Le crétin, lui, résiste à cela, mais le crétin devient aussi insulte. Capitaine, regardez, là. Mille sabords, où que je tienne ce bâché bouseau, ce phénomène, Tournesol. Bonjour, messieurs. Oh, merci de m'avoir réveillé. À vrai dire, j'ai très mal dormi. J'espère qu'à présent, vous allez me donner une cabine. Une cabine? Mais je vais le jeter par-dessus bord, ce crétin des Alpes. Tu as entendu? Mais naturellement qu'il est à bord, capitaine. Le capitaine Haddock dans les aventures de Tintin, en l'occurrence c'est le trésor de Rackham le Rouge. Antoine Debecq, aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons au crétin des Alpes, le crétin qui est un malade au sens premier, qui est un innocent, qui est celui qui résiste au progrès, ou en tout cas qui symbolise une forme de résistance au progrès, devient insulte, et notamment chez Tintin, qui popularise cette insulte avec le capitaine Haddock, le crétin des Alpes. Mais là, il a perdu son sens, en fait. Oui, il a perdu son sens, encore que pour un marin comme le capitaine Haddock, les Alpes, c'est l'ennemi. Hein. c'est ce qui est le contraire de son élément naturel, qui est la mer. Donc, ça a un sens, notamment parce que c'est toujours associé à Tournesol, cette insulte de crétin des Alpes. On va la trouver aussi un peu déclinée dans d'autres, crétins de l'Himalaya, crétins des Balkans, voilà, tous ces massifs redoutables pour le capitaine Haddock. Pourquoi Tournesol? Parce que il est lié, je dirais, à la Suisse. En fait, le modèle de Tournesol est un savant suisse, hein, qui a d'ailleurs s'est intéressé au crétinisme. Donc voilà, c'est une sorte d'allusion comme ça à la Suisse, donc territoire hostile pour Haddock. Et puis je pense qu'il y a quelque chose chez Tournesol qui évidemment résiste par sa surdité, c'est à la fois un grand savant et en même temps voilà, c'est aussi un crétin. Et ce terme là de crétin effectivement se détache à ce moment-là du crétinisme alpin pour devenir une véritable insulte. On est dans les le trésor de Racam-le-Rouge, c'est 1943. Hergé est très influencé par ce qu'il lit à ce moment-là dans la littérature notamment politique, hein, des manifestes politiques. Et c'est dans cette langue, je dirais, polémique des années 20 et 30 que le terme de crétinisme, enfin plutôt le mot crétin comme insulte, se généralise dans les milieux à la fois littéraires, notamment chez les surréalistes, hein, qui vont utiliser pas mal cette insulte de crétin, puisqu'elle est liée, je dirais, dans le contexte des grandes polémiques littéraires à Anatole France. Anatole France fait mener dans une revue en 1927 qui s'appelle Les Marges une grande enquête sur allons-nous vers le crétinisme? Voilà, la grande question, l'angoisse, qui est liée là véritablement à l'accélération du monde, l'industrialisation. Est-ce que nous ne sommes pas, à force d'être remplacés par des machines, tout simplement, en train de devenir des crétins? C'est une véritable interrogation angoissée. Et Anatole France, lui, voilà, répond, je dirais, par la positivement, à cette et donc les adversaires extrêmement virulents d'Anatole France, qui sont les surréalistes, vont retourner contre lui, évidemment, l'insulte de crétinisme. Et puis l'autre milieu où cette insulte prend, c'est véritablement les milieux politiques, et dans une France qui est où le monde politique est extrêmement violent, par verbalement et aussi parfois dans la rue, quand les ligues descendent dans la rue, l'anathème de crétin devient extrêmement courante, utilisé beaucoup par les ligues et l'extrême droite, et donc Hergé, qui est tout à fait sensible à ce monde-là. On trouve d'ailleurs l'expression « crétin des Alpes » dans une liste d'insultes possibles que Hergé a dressée quelques mois avant de l'utiliser dans Racam-le-Rouge, au milieu d'autres insultes souvent assez politiques, effectivement. Et puis, voilà, dans le vocabulaire fleuri du capitaine Haddock, autour, entre ectoplasme, bachibouzou, cornichon ou mérinos malpeigné, vous allez trouver, donc, à partir de 1943, désignant le professeur Tournesol, crétin des Alpes. Et donc, voilà, là, on est dans une sorte de généralisation du terme qui perd un petit peu son sens, effectivement, qui est celle de l'insulte politique, l'insulte littéraire, qui devient l'insulte, tout simplement, qui désigne l'adversaire. L'adversaire est le crétin. Justement, je profite de vous avoir, Antoine Debecq, parce que vous êtes historien, notamment l'histoire des crétins des Alpes, mais ça, c'est qu'un aspect de vos travaux, critique de cinéma, historien du cinéma. Vous allez décrypter un moment de cinéma qui est patrimonial. Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougne. La fougne. Oh, elle est bien à point. Sentez-moi ça. Non, ça va, vous savez, ça a l'air bon. On va vous la servir à l'étaler, comme chez nous, C'est-à-dire en l'étale sur le pain. Si. Et c'est quoi qu'il y a dedans, là? Ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors, on fait macérer ça avec du gras, et puis l'alcool de bois, pendant 2-3 saisons. Puis il y a les couennes aussi. On mangeait petit, si on venait un vrai montagnard. Il n'y a rien de tel pour se faire une bonne santé. On sent bien le goût du gras, ça passe pas inaperçu. Puis celle-là, elle a au moins 3 ans d'âge. Je vais vous dire, c'est la bonne. C'est quoi, les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. Je suis pas la petite bête qui va manger la grosse. Excusez-moi, faut que je sors. Les Bronzés font du ski, le film de Patrice Lecomte en 1979. Antoine Debecq, il n'est pas question de crétin des Alpes ici. Mais malgré tout, nous retrouvons quelque chose où le montagnard reste celui qui s'oppose à un progrès démesuré, à la grande période des plans neige et du tourisme de masse. Absolument, je pense que c'est un film qui saisit quelque chose de cette cette grande opposition, qui est largement minoritaire hein, dans les Alpes, mais qui existe au développement inconsidéré en France notamment, autour des plans neige des années 60, cette sorte de démocratisation qui est une très belle idée évidemment de la montagne, mais qui passe par par les bronzés font du ski, c'est-à-dire voilà un déplacement en fait de la ville à la montagne, c'est ça les grandes stations de ski. Hein. Et on va retrouver à ce moment-là dans inconsciemment, je dirais, dans les bronzés sont du ski, à travers cette description de l'authenticité des saveurs montagnardes, hein. Mais on va le retrouver beaucoup plus explicitement, hein, à la fois chez des poètes suisses, chez des humoristes, hein, le grand poète suisse, bon, chez Ramuse, il y a cette éloge, je dirais, du crétinisme, hein, qui existe, mais le grand poète suisse il est peu connu, il s'appelle Maurice Chapaz, hein, et il va faire à la fois des actions contre le développement du tourisme, les autoroutes, les grandes stations de ski, la défiguration de la montagne, et d'autre part, dans ces textes, faire une sorte d'éloge comme ça, retrouver l'éloge du crétinisme, l'éloge de l'authenticité alpine contre le progrès inconsidéré du tourisme. Et puis on va retrouver ça chez Plonk et Replonk, hein, qui sont des humoristes lausannois qui travaillent beaucoup sur les cartes postales. Où le personnage du crétin comme symbole de la Suisse hein, va revenir pour se moquer généralement d'ailleurs des progrès du monde moderne. Et puis on va le retrouver chez quelques cinéastes, et notamment moi c'est un cinéaste fétiche hein, bon qui est un cinéaste peu connu mais dont l'œuvre est très importante à mon sens, notamment sur ce sujet, qui est Luc Moulet. Hein, Luc Moulet, dans par exemple La Terre de la Grande Folie, hein, va proposer une sorte de description des Alpes d'aujourd'hui, notamment d'une région qui lui est chère autour de Digne, des Roubines, hein, comme on les appelle, ces endroits très désolés, très authentiques aussi, une sorte de grande résistance possible au nom du crétin, et on va retrouver ça jusque dans un groupe de rock, hein, qui est un groupe j'aimerais bien qu'on en passe un petit morceau, hein, Les Crétins des Alpes, Les écrit L-A-I-D-S, hein, qui est un groupe de punk rock, je dirais, qui précisément a fait l'éloge du crétinisme en reprenant son nom même et en chantant plusieurs chansons qui pour moi sont des véritables tubes contre tout ce qui est effectivement le touriste et même le randonneur, hein, cette sorte d'être déplacé de la ville à la montagne en fait. On va mettre des liens sur le site internet du cours de l'histoire. Merci vivement Antoine Debecq de nous avoir fait voyager de Victor Hugo jusqu'au Les Crétins des Alpes. Et surtout, je rappelle votre histoire des Crétins des Alpes à la librairie Vuibert. Merci vivement à vous. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi les membres du Tea Party ont-ils soutenu Donald Trump? En 1773, a eu lieu à Boston, Massachusetts, une révolte contre le Parlement britannique, révolte qui est considérée comme l'un des événements ayant déclenché la guerre qui a abouti à l'indépendance des États-Unis en 1776. Le royaume britannique étant alors confronté à de lourds problèmes de trésorerie, le roi George III décida d'augmenter fortement les taxes commerciales à l'encontre des colonies. Le thé, qui était l'un des produits les plus fortement taxés, devint alors un enjeu majeur de ce conflit entre la métropole et ses colonies. Le 16 septembre 1773, 60 Bostoniens grimpèrent à bord de 3 navires anglais et jetèrent les cargaisons de thé par-dessus bord. Au lendemain de l'élection présidentielle de 2008, ayant porté Barack Obama au pouvoir, cet événement historique fut exploité par un nouveau mouvement d'extrême droite qui prit le nom de Tea Party. il ne s'agissait pas vraiment d'un nouveau parti politique, mais plutôt d'une nébuleuse de militants agissant au niveau local et pratiquant l'entrisme au sein du Parti républicain. La référence aux événements de Boston en 1773 était un signal clair de la principale revendication du Tea Party. Réduire les impôts et les taxes et libérer les individus soumis à la dictature de l'État fédéral. Le mouvement a pris naissance en 2009 pour s'opposer au plan de relance adopté par l'administration Obama visant à sortir le pays de la crise financière de 2008. Les militants du Tea Party ont repris à leur compte le discours ultra-libéral de ceux qui dénoncent le pognon de dingue dépensé par l'État pour entretenir une population vivant de l'assistance parce qu'elle refuse de travailler. Voilà pourquoi le Tea Party s'est attaqué avec véhémence à l'Obamacare, la réforme de santé impulsée par le nouveau président. Sur le plan sociologique, on peut ajouter que les militants du Tea Party étaient presque tous des hommes blancs appartenant aux classes moyennes et aux professions libérales, avocats, médecins, etc. Comme toujours aux États-Unis, ce clivage social était redoublé par des considérations raciales, les Noirs étant présentés comme les grands bénéficiaires des dépenses publiques. Soutenu par plusieurs ténors du Parti républicain, le Tea Party a rapidement fait son trou dans la vie politique américaine, au point que 63 députés dont il avait soutenu la candidature furent élus à la Chambre des représentants lors des élections de novembre 2010. Sans être affilié au Tea Party, Donald Trump a bénéficié de son appui lors de la campagne électorale qui lui a permis d'être élu président en 2016. Son programme reprenait plusieurs des principales revendications de ce mouvement concernant la diminution des impôts, l'abrogation de l'Obamacare, l'arrêt de l'immigration, etc., etc. Même si le Tea Party a disparu en 2018, il est indéniable qu'il a joué un rôle important dans la diffusion d'une idéologie d'extrême droite associée aujourd'hui au nom de Donald Trump. Ses partisans les plus convaincus ont montré la menace qu'ils représentaient pour nos institutions démocratiques le 6 janvier 2021, lorsqu'ils ont envahi le Capitole pour tenter de contester par la force la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.